Et donc, je veux juste maintenant vous parler de quelques minutes, vous parler de la force, que la force soit avec vous. Donc, comme je vous le disais, souvent quand je parle avec des croyants et des incroyants, je pense que ça doit vous arriver à vous aussi, indirectement ou inconsciemment, souvent les gens ont une image de la vie chrétienne, du chrétien et même de Dieu, une image assez faible. Ah, Dieu, il est faible. Parce qu'il est, on le représente vieux, barbu, peut-être il n'entend pas trop non plus. Et donc, ce n'est pas une image de force, cette image hein, de Dieu. Et puis, quand on parle des chrétiens, souvent, on présente les chrétiens comme des gens qui ont des sous-problèmes, des soucis, qui sont dans des fragilités émotionnelles, qui ont toujours des problèmes. Il faut prier pour moi, j'ai des problèmes. Donc, une image assez plus. Ben, des gens faibles qui ont besoin de l'aide de Dieu. Et parfois, même nous, en tant que chrétiens, on a une image, pas tous, mais souvent, j'ai rencontré des chrétiens qui disaient ah, mais vivement que le Seigneur vient de me chercher parce que la vie ici est dure, je m'ennuie ici sur cette terre. Et des chrétiens qui ont une vie assez stérile et sèche. Ouais. Et donc, inconsciemment, parce que si on nous demande notre opinion au sujet de Dieu, on va dire, il est puissant, il est fort. Ça, c'est la déclaration qui vient spontanément et qui est réelle. Mais inconsciemment, on peut être notre foi, notre inconscient, notre subconscient, à cause de toutes les choses que je viens de citer, peut nous conduire à avoir une image de Dieu, de la vie chrétienne. Ça ronronne en fait un petit peu. Et j'aimerais confronter cette fausse croyance rapidement tout d'abord, en vous parlant d'abord de l'image de Dieu. Comment la Bible présente Dieu? Comment il est réellement? Psaume 24, verset 8, on peut le lire ensemble. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Vous voyez ici, la Bible, elle présente pas, elle dit pas l'Éternel juste compatissant et faible. Elle dit non, l'Éternel fort et puissant. Dans la nature de Dieu, il y a l'amour, il y a le miraculeux, il y a la sainteté, mais il y a aussi la force. Dans la nature même de Dieu, il y a la force. La particularité de Dieu, ce qui le différencie avec toutes les autres religions dans le monde, c'est la puissance. La puissance et la force, c'est la marque de fabrique du royaume de Dieu. Rappelez-vous, pourquoi je dis ça? Il y a une histoire dans la Bible où les croyants de l'époque, ils étaient un petit peu dans l'hésitation. Ah, Dieu, tous les dieux sont bons. L'Éternel, Dieu, et puis à l'époque, c'était Baal. Aujourd'hui, on a toutes sortes d'autres dieux, d'autres divinités, d'autres religions en France. À l'époque, il y avait Dieu et il y avait toutes sortes de religions, et donc notamment les Baals. Et les chrétiens, les croyants de l'époque, ils hésitaient entre les deux. Ah, mais ouais, il y a un peu de bonnes choses chez Dieu, puis un peu de bonnes choses aussi chez les Baals. Et Dieu envoie Élie, un prophète. Élie leur parle de la part de, je crois que c'est un roi 18 hein, ou 17. Dieu leur parle au travers d'Élie en disant, écoutez, jusqu'à quand vous allez clocher un petit peu, je ne sais plus le terme exact, osciller entre les deux. Si c'est Baal, allez servir Baal. Si c'est Dieu, allez servir Dieu. Et vous connaissez l'histoire, donc Élie dit, écoutez, c'est simple, amenez tous les prophètes de Baal, là. Il y en avait 500. Élie était tout seul. Et on va mettre un autel, on va mettre un taureau. Et le Dieu qui répondra par le feu sera le vrai Dieu. Oh, ça, c'est intéressant. Hein, c'est pas juste un débat théologique. Moi, je pense que. Ah, mais moi, donne-moi ton avis. Il n'y a rien de philosophique là. C'est simple. Hein. Allez-y, priez Baal et demandez à ce que le feu descende. Et pendant toute la journée, les 500 prophètes font des incantations à Baal, qui est la religion numéro un de l'époque. Hein. Ils font des incantations, ils se taillent les veines, et puis Élie se moque d'eux. Eh hey, alors, peut-être qu'il est un peu sourd, criez plus fort, parce qu'il n'y a pas de feu encore. Et puis à la fin de la journée, ils sont épuisés, il n'y a pas eu d'exaucement de prière. Et c'est étonnant, vous voyez, Dieu ici se manifeste par la force et la puissance, pas par la compassion, l'amour, la douceur, ou oh, vous voyez, un petit encouragement, mais pas un petit câlin, pas un hug, c'est par la puissance. Élie dit, écoute, Dieu, je sais que tu es Dieu, mais montre-leur ta puissance. Tout simplement, il prie 10 secondes. Je sais que tu es Dieu, montre-leur, montre qu'il n'y a qu'un seul Dieu en Israël. Et il s'arrête de prier, et là, le feu descend du ciel, et ce feu pulvérise non seulement le taureau, mais aussi l'autel qui avait été construit. Et des scientifiques, mon papa était vraiment très, très. Il aimait beaucoup la science. Alors, je ne sais plus dans quel livre il a lu, mais un livre, une revue scientifique et des historiens disent que dans cette région du monde, puisque c'est cité, c'est vers le Mont Carmel, hein, il y a comme des. Quand on étudie dans le sol, on a découvert des particules comme s'il y avait eu une explosion atomique dans cette région. Alors qu'il n'y a jamais eu, hein, mais c'est étonnant de retrouver les mêmes substances. C'est là où le feu du ciel est tombé. Non seulement le taureau était. C'est pas juste une allumette qui a été. Et puis hop, une flamme, comme quand vous faites votre grillade. C'est quelque chose est descendu, une foudre, un feu du ciel est tombé. Ça a pulvérisé le taureau et même les pierres. L'autel, c'est pas un autel en paille, hein, ou en bois, c'est un autel en pierre. Les pierres ont été brûlées. C'est puissant, hein? Et là, tout le peuple d'Israël a dit, oh là là, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Et puis les 500 prophètes de Baal ont été tous tués. Pourquoi? Parce que Dieu s'est révélé, pas au travers de la compassion, pas au travers de l'amour, pas au travers d'un petit hug, mais au travers de la force. Pourquoi? Parce qu'il est fort et puissant. C'est dans la nature de Dieu. La force, c'est partie de sa nature. Et on a raison d'insister sur l'amour de Dieu, l'amour de Dieu. On prêche dans nos églises l'amour de Dieu, et on a raison parce que c'est vrai. Mais c'est incomplet. C'est un message qui est incomplet, et donc s'il est incomplet, il est faux. Parce que du coup, on se prive d'une particularité tout aussi importante de Dieu, puisque la Bible nous dit l'Éternel, comment? Fort et puissant. Mais ce n'est pas tout. Jésus aussi a accordé beaucoup d'importance à la force. On peut lire dans Actes 10, verset 38, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de quoi? D'amour? Non. Et de force. Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Waouh! Jésus a été oint du Saint-Esprit, ça on le savait, mais on oublie, hein, qu'il a été aussi oint de force. C'est fort, hein? Pas oint d'amour. Comprenez bien que je ne suis pas en train de mépriser l'amour là, hein. Je suis en train de rééquilibrer dans votre foi, dans votre connaissance de Dieu. Je fais exprès de taper un petit peu sur l'amour, mais j'espère que vous connaissez mon cœur, hein. C'est très important l'amour. Sans l'amour, on est une cymbale qui retentit, on n'est rien. Mais c'est fort de voir ici que la Bible nous dit, elle attire notre attention sur le fait que Jésus lui-même était oint d'esprit, mais aussi de force. Et on voit ça dans Luc 6, verset 19. Ce texte nous dit, toute la foule cherchait à toucher Jésus. Pourquoi? Pourquoi elle cherchait à toucher Jésus? Parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Il y avait quoi? Pas simplement de l'amour, de la sagesse, de la sainteté. Il y avait une force. Nous-mêmes, vous, toi, tu as besoin de ça. Ta foi a besoin de connaître la force de Dieu, de pouvoir de dire, mais je suis touché par l'amour de Dieu, mais je suis aussi touché, ma foi est bâtie à la fois sur l'amour de Dieu, mais ma foi aussi est bâtie sur la force de Dieu. Parce que les premiers croyants, ceux qui rencontraient, les premières personnes qui rencontraient Jésus, étaient au contact de son amour, mais aussi au contact de sa force. Et l'Église que nous représentons, les croyants que nous sommes, doivent tout autant démontrer l'amour de Dieu, mais aussi démontrer la force, parce que les gens le touchaient et ils étaient guéris. Vous connaissez l'histoire de cette veuve, qui avait cette femme âgée, pardon, qui avait une perte de sang et qui dit, mais si je touche juste le bord de son vêtement, je serai guéri. Et il y a des milliers de personnes qui le touchent, parce que c'est un peu comme une sortie de métro à Paris, vous voyez, les gens sont en heure de pointe, les gens sont les uns sur les autres, donc tout le monde touche Jésus. Mais elle le touche avec cette foi, je vais en parler tout à l'heure de la foi. Et Jésus sent une force, qui sort de lui, puis il dit, mais qui c'est qui m'a touché? Les disciples, il dit, mais Jésus, tout le monde te touche. On est les uns sur les autres, on est collés, c'est un peu le métro dans le 18e arrondissement à Paris. On est tous collés là, tout le monde te touche. Il dit, mais non, mais quelqu'un m'a touché parce que j'ai senti une force. Et là, cette femme dit, mais c'est moi qui t'ai touché. Elle a juste touché, même pas Jésus, elle a touché le bout de son vêtement. Juste ça, pff, une force. Donc l'évangile, la vraie vie chrétienne, après tu peux dire, non, non, moi je veux juste l'amour. Bah, à ce moment-là, tu peux partir. Parce que l'évangile est à la fois basé sur l'amour de Dieu, effectivement. Et ça, je trouve qu'on n'est pas mauvais. L'Église française n'est pas mauvaise. On peut faire mieux encore. Hein, mais on l'a acquis, ça. On sait que Dieu nous aime de manière inconditionnelle, qu'il est amour. Mais la force, quand on en parle, on n'en parle pas beaucoup. Et quand on en parle, on l'expérimente peu aussi. Et on l'expérimente peu parce que, pourquoi? Parce qu'il y a il y a des choses que je vais vous partager dans quelques instants qui vont vous permettre dès aujourd'hui de commencer à expérimenter sa force, son amour, mais aussi sa force. Être un chrétien, un homme, une femme, une chrétienne forte et forte. Une église forte. On va voir comment tout à l'heure. Mais vous savez, on pourrait dire, ouais, mais ça c'est Dieu, c'est Jésus, ils sont saints, ils sont grands, ils sont dans le ciel, c'est des divinités. Nous, on est faibles. On parlait tout à l'heure des rhumatismes, des douleurs dans nos conversations. On est faible. Dieu est fort. Peut-être de dire, Greg, t'as pas besoin de me convaincre. Oui, je crois tout. Mais nous, on est faible. Non. Regardez les disciples. Luc 9, verset 1. Jésus, ayant assemblé les 12, vous savez qu'il avait 12 disciples, hein, il leur donna quoi? Force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les malades. Donc, vous voyez ici, Jésus ne s'est pas contenté uniquement d'exercer son ministère terrestre, d'utiliser la force pour exercer son ministère terrestre, mais Jésus, là, il est en train de transmettre à ses disciples cette même force. Donc, la puissance, chose importante que vous devez maintenant noter et croire, c'est que la puissance et la force ne sont pas uniquement réservées à sa personne, à la personne de Dieu et de Jésus, mais elles sont transmissibles. La preuve, on peut lire ensemble Acte 4, verset 33, c'est la suite de ce passage, et on voit que les apôtres, qu'est-ce qui se passe? Ils rendaient avec quoi? Pas avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de force. Donc des gens comme vous et moi, ils rendaient avec beaucoup de force. Témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposée sur eux tous. Donc on voit ici, vous voyez que la force ne se limite pas à Dieu, Jésus l'a transmise à ses disciples. Et là encore, parce que vous êtes français, on est très très incrédule en tant que français, vous pouvez dire, ouais, mais ça c'est les disciples, c'est les apôtres de Jésus, ils ont vécu avec lui, mais nous on est faibles, c'est pas pour nous. Mais j'aimerais vous lire le psaume 68, verset 29, parce que Dieu nous a donné des ordres. Il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est un ordre, et là c'est un ordre. Psaume 68, verset 29, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. On est un peu gêné, dire, ah non, moi je suis très timide, je suis très réservé, pas moi, ça c'est pour. Vous voyez, mais c'est un ordre aussi valable que celui qu'il nous a donné quand il dit, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, et encore, hein, de toute ta force. Vous voyez? Donc Dieu nous demande d'offrir notre force aussi. Mais il nous a aussi et commandé et ordonné d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Mais là, il dit, hey, ton Dieu ordonne, toi qui es en train de m'écouter, qui es assis sous ta chaise. Il nous parle ce matin et il dit, hey, je t'ordonne que tu sois puissant, que tu sois puissante. Ce n'est pas une suggestion, ce n'est pas une option, c'est un ordre, un commandement. Dieu, il n'attend pas de nous uniquement que nous soyons, voyez, gentils, que nous soyons sages, mais il attend de nous que nous soyons puissants. Puissants quand il faut résister à la tentation, puissants quand il faut résister à ce monde, puissants lorsque, à notre boulot, on essaye de nous conduire on nous encourage à être malhonnête, puissants lorsqu'on a quelqu'un qui fait face à un besoin physique ou spirituel et que on peut prier pour cette personne, demander l'intervention de Dieu pour cette personne. Dieu a conçu l'être humain dans le but qu'il soit puissant, pas juste aimant, mais aussi puissant. Tu as été conçu de dire, ah là là, mince, alors j'ai du retard, hein, parce que jusqu'à présent, j'ai pas vécu ma vie avec cette dimension-là. Et alors, c'est beau de recevoir un ordre, mais c'est compliqué quand on ne sait pas comment lui obéir. Parce que aime ton prochain comme toi-même, on dit, ben voilà, on va être gentil avec les gens, on va les encourager, on va les inviter, on va exercer la compassion. Mais ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Alors est-ce que c'est juste... On fait de la musculation, ça c'est sur le plan physique. Mais comment, sur le plan spirituel, le plan émotionnel, je peux faire de la gonflette? Comment je peux me fortifier? Parce qu'on a un corps physique, mais on a une âme, on a aussi des muscles spirituels. Comment on fait pour se développer? Dieu m'ordonne d'être puissant, mais comment je fais? Éphésiens 6, certains vont dire, on va prier. Ah, on va prier que Dieu nous fasse fort. Et c'est encore une mauvaise chose. Moi, je connais des chrétiens, ça fait 20 ans, 30 ans qu'ils prient, Seigneur, s'il te plaît. Et c'est des chétifs. C'est des chrétiens chétifs. Pourquoi? Parce que, lis la suite, Éphésiens 6, verset 10, nous donne une clé. Et maintenant, je vais développer. Ça va être rapide, je vais citer ces clés. La Bible nous dit, c'est peut-être une mauvaise nouvelle pour vous. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Ça veut dire quoi? C'est que la force ne vient pas de Dieu. Nous avons, enfin, elle vient de Dieu, mais nous avons la responsabilité de nous fortifier. Ton niveau de force spirituelle, moi aujourd'hui, mon niveau de force physique, il est tout simplement le fruit de l'absence d'exercice que j'ai pratiqué toute ma vie. Je suis taillé comme je le mérite. Parce que je ne fais pas d'exercice. Par contre, je fais du vélo, ça je fais. Mais ça, c'est les conséquences, depuis que je suis né, de la non-pratique du sport. Et je sais que si j'ai les mêmes muscles que Stallone et que Schwarzenegger, les mêmes, juste que je ne les ai pas développés par rapport à eux. Eux, ils ont beaucoup développé. Mais on ne se lève pas le matin comme ça en priant, Seigneur, donne-moi des muscles. Puis on se lève, pff, Stallone. Ou Jason Statham pour Déborah, je suis sûr que ça lui parle plus. Jason Statham, ça te parle, hein, Déborah? Rebecca. Ouais. Donc, vous voyez, ça, c'est, vous devez l'accepter maintenant. Mince, ma force, ça dépend de moi. Fortifiez-vous. Dieu ne dit pas, ah, je vais venir, puis je vais vous fortifier. Je vous aime tellement que ah, vous êtes faible dans votre couple, vous êtes faible dans vos émotions, vous êtes faible face à la tentation. Ouais, mais je suis Dieu, je vous aime tellement que je vais vous fortifier. Il dit, oui, je vous aime tellement. Je vous aime tellement que je vais vous donner des outils pour vous fortifier. Je ne vais pas vous fortifier. Oh, je ne vais pas vous fortifier. Enlevez-vous ce mensonge. J'aimerais pas que vous repartiez ce matin en disant, voilà, oh Dieu, regarde, dans ce domaine, vous pouvez là maintenant identifier un ou deux domaines où vous êtes faible. Vous les avez? Moi j'en ai plus que deux même d'ailleurs. Mais la différence, Dieu, mais Greg, souvent on me dit ça, et à la fois ça me... Je suis content, mais à la fois ça m'énerve. Parce que je dis, ah, mais Greg, je sais plus qui c'est qui dit... Alors ça, c'est quelque chose même qui m'agace. On me dit, ah oh là là, mais toi, tu es charismatique. T'es quelqu'un de charismatique, mais je l'étais. Demandez à Katia, je n'étais pas charismatique, mais je me fortifie. Et je vais vous dire comment. Maintenant, on va voir le comment. Je suis quelqu'un de. Peut-être que physiquement, j'ai pas fait beaucoup d'exercices dans ma vie, mais si vous voyez mon corps spirituel, ouf, je mets une mandale à l'ennemi, je la somme. Je suis très très très costaud, très très développé. Parce que je puise en l'amour de Dieu, mais je puise aussi depuis 25 ans dans sa force, 25 ans d'exercice. Je vous dis, j'ai des tablettes de chocolat sur le plan spirituel, je précise. Parce que j'ai vu que tout le monde a. Puis le bruit, vous savez, le bruit, c'est pas un bruit. Ça sonne creux, ça résonne. Oh là là, c'est pas des tablettes, ça. Mais sur le plan spirituel, je le sais. Je le sais, je le vois. Et puis, ce que les gens disent, ah, toi, t'es charismatique. J'aime pas quand ils disent ça, parce que ça veut dire que ah, ben, j'ai reçu une personnalité extravertie et j'ai une onction de Dieu. Et on est dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, peut-être on pourrait dire, oui, Dieu choisissait quelqu'un et lui donnait une onction. Mais dans le Nouveau Testament, ce sacerdoce universel, on a tous reçu le même esprit. Et la raison pour laquelle peut-être vous vous sentez faible dans un domaine, c'est parce que vous n'êtes pas fortifié. Vous n'avez pas pris le temps de vous fortifier dans ce domaine. Donc maintenant, si vous êtes d'accord, on y va. On met nos shorts, nos t-shirts, et on va se fortifier de manière très, très, très concrète. J'espère vous avoir donné, j'espère, hein, vous avoir. Mon but là était vraiment de déraciner des fausses croyances. J'espère y être arrivé et que vous allez repartir ce matin en disant, hey, je crois en l'amour de Dieu, mais je crois aussi en sa force. Je crois que cette force est aussi pour moi. Et troisième chose à croire, c'est que je suis responsable. Je dois me fortifier et ça ne se fait pas tout seul. Donc, comment on fait pour se fortifier? Premièrement, l'adoration. Donc là, je vais aller un peu plus vite. Vous captez juste ces pensées. Mais l'adoration, je parlerai de la prière après, hein, c'est différent. L'adoration est un espace où vous allez être fortifié. Parce que la Bible nous dit, je ne l'ai pas mis ici ce texte, elle nous dit que lorsque nous contemplons le Seigneur de gloire, nous sommes transformés à la même image. Comme Dieu est fort, lorsque tu adores Dieu, je ne dis pas de prier Dieu. Oh Dieu, aide-moi ici. Oh Dieu, s'il te plaît, viens m'aider. Là, c'est de la prière. L'adoration, c'est Seigneur. C'est lui dire ce qu'il est. Tu es bon, tu es fort, tu es puissant. Et on va voir des exemples ici. Vous adorez Dieu, c'est-à-dire vous dites votre amour à Dieu. Et là, vous arrêtez, vous sortez de votre temps de prière, même si c'est 5 minutes. Hein, mais vous allez voir. Ouf. C'est comme si vous sortez de la salle de gym. Vous sentez, il y a une force. Moi, c'est pour ça que tous les matins, la première chose que je fais, je me lève, je me douche, je déjeune. Et pff, depuis 25 ans, Katia le sait, je m'enferme. Et même si c'est 5 minutes ou 2 heures, mais je ne peux pas, je n'ai jamais commencé une journée sans mettre brosser les dents. Mais de même, je ne commence pas une journée sans adorer. Si je n'ai pas le temps, je vais faire que adorer. C'est, je sais plus quel grand homme de Dieu qui disait, mais si vous avez que 5 minutes pour prier, passez 4 minutes à adorer. Je sais plus si c'est John Wesley ou Charles Finney, donc des revivalistes qui disent, vous avez que 5 minutes pour prier, passez 4 à adorer. Parce que lorsqu'on adore, on est transformé à la même image. Regardez ce que la Bible nous dit ici. La majesté et la splendeur sont devant sa face. La force et la joie sont dans sa demeure. Donc la force et la joie sont où? Dans sa demeure, dans sa présence, pas dans ta demeure, pas dans l'église. Vous allez venir à l'église, vous le savez, vous êtes des chrétiens ici de longue date pour la plupart, c'est pas le lieu où il y a les gens les plus forts, hein, franchement, dans l'église. Franchement, bon, des fois je vais dans des entreprises chez des incroyants, je dis waouh, ils sont forts quoi. Et dans l'église, oh, pourquoi? Parce qu'on a cette image du papy sur son trône qui n'entend pas très bien. Comment? Vous voyez? Et du coup, on a une image déformée de Dieu, c'est juste l'amour, la compassion pour les faibles. Et c'est important parce que c'est effectivement une dimension du royaume. Mais il y a la force aussi. La force et la joie sont dans sa demeure, donc la présence de Dieu. Je vais un peu plus loin. Moi-même, vous savez, et on va juste lire quelques textes, tu peux passer à la slide suivante. Quand je suis découragé, ça m'arrive, je sens que, et je le dis à Katia, ah, je suis découragé là. Je suis découragé, je suis pas. Je suis découragé. Et elle me dit, bah, et puis on prend un temps de prière. Pas longtemps, 2, 3 minutes, où on adore. Je dis pas, oh, Seigneur, j'en peux plus encore. Je parle même pas de la situation. Je dis, mais tu es saint, tu es glorieux, tu es. On décrit Dieu. Et hop, après, on met notre série Netflix. Ça nous prend 2, 3 minutes, pas besoin de mettre 1 heure d'intercession, mais la force est là. Pourquoi? Parce qu'on sait, chaque fois que je suis découragé, et je le suis. Plusieurs fois par semaine. Quand vous êtes responsable de plein de trucs, ben, il y a plein de trucs qui vont vous décourager. Rien ne se passe comme prévu dans une semaine. Donc, il n'y a que des choses contrariantes qui m'arrivent toutes les semaines. Où je puise cette force? Heureusement que ce n'est pas sur ma personnalité, mon identité. Je serai en dépression depuis 25 ans. Je ne sais pas comment ils font les gens qui n'ont pas Dieu. Ils sont là, oui, oh, méthode Coué, vous voyez. Mais ça va être épuisant. Avec Katia, on en connaît des gens comme ça. On dit, mais les pauvres, moi, je suis ce que je suis avec toutes mes faiblesses. Je suis vraiment pas l'incarnation de la force. Mais j'adore celui qui est très, très fort. Et lorsque je sors de ces moments d'adoration, je suis totalement transformé. Ce n'est pas la situation qui change, mais c'est ma perception de la situation qui a changé après un temps d'adoration. Et j'aimerais juste, pas plus. Je veux juste que, parce que je crois à la puissance de la parole de Dieu ce matin. Je crois qu'elle exerce un ministère en vous. Je veux juste citer ces textes, les lire avec vous. Vous compreniez l'importance de l'adoration. Pour ça que c'est le premier des commandements. Pourquoi Dieu nous dit, ouais, pourquoi il nous a demandé de l'aimer de tout notre cœur, de toute notre force? Pourquoi? Parce qu'il sait que plus vous allez passer du temps dans l'adoration, plus vous allez changer. Ça vaut 1000 thérapies. Ça vaut tous les psychologues, les thérapeutes du monde. L'adoration nous transforme. Pas la vie d'église, hein. Il y a des chrétiens qui vont à l'église depuis 20 ans, ils n'ont pas changé. Parce que la vie d'église ne nous transforme pas. Elle nous équipe, mais elle ne nous transforme pas. La seule chose qui nous transforme, c'est l'adoration. Lisons ensemble. L'Éternel est ma force. C'est des gens qui, comme moi et comme vous, ont compris que l'adoration pouvait être une source de force. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé, il est mon Dieu, je le célébrerai, il est le Dieu de mon Père, je l'exalterai. Vous voyez, l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. Atmosphère de louange, de reconnaissance à Dieu, et c'est là où on fait l'expérimentation de la force de Dieu. Psaume 18, verset 2, « Je t'aime, ô Éternel, ma force ». Vous voyez, dans l'expression de l'amour, là, c'est sentimental, c'est beau, hein. Je t'aime. Même si vous n'avez que ça dans vos moments d'adoration. Moi, des fois, je ne sais pas si ça s'entend, lui doit l'entendre quand on fait l'adoration à l'église. Moi, qui dit, allez, dites à Dieu que vous l'aimez. Moi, je dis que ça, je dis, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, Jésus, oh, je t'aime. Je dis ça. Et je vous assure, c'est pas juste comme les catholiques, là, on répète « je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime ». C'est pas, vous voyez, c'est vraiment, vous êtes là, vous pensez à Dieu, puis « ah mais qu'est-ce que je t'aime toi ? Ah je t'aime mon Dieu, mon roi, mon Seigneur, continue à régner sur ma vie, vas-y, fais-toi plaise, parce que qu'est-ce que je t'aime ? Ben, installe-toi dans ma vie, prends le contrôle, parce que je t'aime. Je suis en train de le faire, là c'était sincère, et je sens sa force. Je t'aime, ô Éternel, ma force. » On continue. Puissance de l'adoration. L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui, mon cœur se confie et je suis secouru. C'est David qui prie ici. J'ai de l'allégresse dans le cœur et je le loue par mes chants. Donc ça peut être l'adoration, ça peut être parfois, je le fais à la maison, je prends mon téléphone et je mets de la louange. Et je suis sur mon canapé, ou je suis à genoux, ou je suis à plat ventre, ou je suis debout, et adoration. Parce que j'ai besoin de ce chant. Il y a des chants, des fois, quand ils viennent de sortir, il y en a un qui vient de sortir, je ne fais que le passé, hein, elle n'en peut plus, Katia. Mais comme il est nouveau, et, vous voyez, il m'aide à adorer. Et je mets ce chant, il dure 10 minutes, c'est le tout dernier chant de Bethel, et j'ai l'impression que je décolle. Ouh, pourquoi ? Et ce chant, dans 3 mois, il va me lasser, parce que je ne vais arrêter pas de l'écouter. Mais par le chant, la louange, on peut aussi connecter à la force de Dieu. Psaume 59, verset 17. « Et moi, je chanterai, quoi ? Pas ton amour, ta force. Dès le matin, je célébrerai ta bonté, car tu es pour moi une haute retraite, un refuge au jour de ma détresse. » Donc, développer une vie de louange et d'adoration, ça favorise le développement d'un esprit et donc d'une vie forte. Deuxième, comment on fait pour se fortifier ? Deuxième chose que j'aimerais vous dire ce matin, la foi. 2 Samuel 22, verset 40 nous dit « Tu me ceins de force pour le combat. Tu fais plier sous moi mes adversaires. » Dieu va vous donner de la force à la mesure où vous êtes dans une attitude de combativité. La force et la puissance de Dieu se manifestent lorsque nous sommes dans une attitude de combat. C'est pour le combat. C'est-à-dire que si Dieu ne nous sème pas de force pour le repli, la défaite, pour se cacher, surtout pas évangéliser, pas d'œuvre de compassion, on ne va surtout pas se mêler avec les incroyants de Béziers, on ne va surtout pas chercher à ce que cette ville change, on va juste rester entre nous. Bah, laisse tomber, quoi. Tu n'auras pas. Malgré l'adoration, tu vas louper la force. Parce que la force vient lorsque on a des « Hey, je veux combattre contre ce péché ». Je veux combattre contre cette addiction. Je veux combattre contre la pauvreté et contre l'esclavage sexuel. Je veux combattre. Là, tu vas sentir. On connaît, hein, Katia me parle souvent de, comment elle s'appelle, la directrice Open Joy. Alors voilà quelqu'un, parce que nous on la connaît en plus, Katia est un peu le pasteur de Anne. Hein. Et était à l'origine un peu même de ce projet-là, de Open Joy. Elle a toujours, Katia a vraiment une relation privilégiée avec Anne, mais voilà quelqu'un qui est fort. Et pourtant qui est faible, attaqué de toutes parts, la santé, etc. Mais elle dégage une force. Pourquoi ? Parce qu'elle combat. Donc si tu dis, hey, il y a peut-être un domaine dans ma vie que je veux combattre. Un, ne va pas mener 10 combats. Hein. Il y a peut-être dans ton caractère, peut-être une addiction. Et après, choisis un combat à l'extérieur. Je veux conquérir pour Jésus. et tu vas recevoir sa force. Alors, toi, tu peux passer le reste, je vais aller plus vite. Ça, c'est, on verra plus loin, plus tard. Ouais. Juste, ah, reviens peut-être quand même. Regardez Proverbe 24, verset 10. Si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. Donc, si tu faiblis, c'est-à-dire que là, il faut se battre. Et tu fais, ah, oh, ben non, je rends les armes. Pas de force. Il y a des combats à mener. Et il faut que tu choisisses tes combats. Fortifiez-vous, nous dit le Seigneur. Hein. Et on se fortifie lorsque on mène des combats. On dit, ben là, émotionnellement, je suis déstabilisé, c'est mon combat. Par contre, je ne vous conseille pas 10 combats. Commencez par un, dans votre vie personnelle. Je vais combattre, et puis vous vous entourez d'amis. Eh, viens combattre avec moi. On va combattre les uns pour les autres. Et ensuite, il nous faut... C'est pour ça que j'arrête pas de vous casser les pieds avec les culs de café croissants, que Déborah n'arrête pas de vous casser les pieds avec allez, les pauvres, les prostituées, les SDF, les étrangers, enfin tous les... Déborah, c'est... c'est une mitraillette. Pourquoi? Parce que la force est là. C'est pas juste qu'on fait du bien. Oh, les pauvres... Bien sûr qu'on fait du bien, mais la force se trouve dans le combat également. Troisième, vous voulez vous fortifier? La parole de Dieu. Deutéronome 11, verset 8 nous dit « Ainsi vous observerez tous les commandements que je vous ai prescrits aujourd'hui, afin que vous ayez la force de vous emparer du pays où vous allez passer pour en prendre possession. » Voyez, c'est pas, Dieu ne nous demande pas une obéissance aveugle, et juste parce que voilà, il a comme « Je te dis de faire ça, tu fais ça !» Ah nous, on est là, ben ok, on ne cherche pas à comprendre pourquoi Dieu nous a donné des commandements. Mais il nous le dit là. Je vous donne des commandements afin que vous ayez de la force. On a tous des conquêtes, des choses à conquérir sur le plan professionnel, sur le plan sentimental, sur le plan spirituel. En tant qu'Église, on veut conquérir Béziers. Et Dieu dit, hey, ben, observez ma parole. Et en observant ma parole, vous allez avoir la force de pouvoir conquérir. Un bel exemple que nous avons, c'est Josué. Pendant 40 ans, le peuple de Dieu tourne dans le désert à cause de son incrédulité. Et Josué est l'homme de Dieu qui va permettre au peuple d'Israël, pour la première fois, de prendre possession du pays promis. Moïse ne l'a pas fait. 40 ans, on tourne en rond. Je ne sais pas s'il y a des domaines dans votre vie où vous tournez en rond, vous aussi. On a des domaines où on dit, ah là là, ça fait 20 ans qu'on prie pour ça, 5 ans, ou des mois que je prie pour la même chose, et puis ça ne bouge pas. Josué, lui, il arrive et puis il prend un peuple qui est habitué à vivre dans le désert, comme des nomades, et il les établit dans le pays promis. Il y a des combats. Le premier combat, c'est Jéricho, une ville qui était la plus fortifiée du monde de l'époque, et elle tombe de manière surnaturelle le premier jour. Donc vous voyez la puissance de Josué. Alors quel est le secret de Josué? Lisons-le ensemble. Josué 1, verset 7. Dieu lui dit... Fortifie-toi, comme à nous ce matin. Il dit pas, ok, je te demande de rentrer dans le pays promis, alors je vais te donner de la force. Non, non, non. Dieu lui dit un commandement, mais maintenant, à cause du commandement que je te donne, il va falloir que tu te fortifies. Il va falloir que tu te mettes au niveau du commandement que je te donne. Parce que des fois, Dieu nous demande de faire des choses, on n'est vraiment pas prêt pour ça. On n'est vraiment pas fort pour ça. Mais c'est pour ça qu'il dit à Josué, bon, tu vas entrer dans le pays promis, par contre, fortifie-toi mon gars, sinon, tu vas prendre des claques. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement. Alors comment on fait pour se fortifier? En agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. La réussite de Josué est simplement lié ici à son attachement à la parole de Dieu. Et quand je vous dis la parole de Dieu, je ne vous demande pas d'avoir une relation mystique ou religieuse avec la Bible, vous ne faites que la lire, c'est l'application. Moi, si je dois comparer le pourcentage de lecture et d'études à mon pourcentage d'application, aujourd'hui, mon pourcentage d'application est plus élevé que mon pourcentage de lecture. Je lis peu, mais j'applique beaucoup. Pas parce que je lis peu, parce que je n'en ai rien à faire. C'est que c'est tellement, il y a tellement de conseils sur tout. Moi, je lis un chapitre, mais il y a 10 000 choses. Regardez, vous voyez le bazar que c'est quand je prêche. J'ai juste lu, ouais, je sentais qu'il fallait prêcher sur la force, mais tout me vient. C'est tellement, vous avez vu, c'est grand, hein, la parole. C'est fort, ça nous édifie, ça frappe notre cœur. Ça frappe peut-être même votre personnalité, votre identité ce matin. Et encore, on n'a pas prié. Dans quelques instants, on va se mettre à prier. Et le Saint-Esprit va enraciner ces choses-là. Vous allez vraiment changer, sortir, passer cette porte différent. Donc, c'est puissant. Et je consacre, moi personnellement, je consacre beaucoup de temps à l'obéissance de la parole de Dieu. C'est pour ça que la semaine dernière, avec Stéphane, avec Sidi et avec Rebecca, on s'est vus pour ça. Et on lisait la Bible, on parlait de la Bible, on n'était que dans de l'application. On a eu quoi? Quatre versets. 1 heure et demie de réunion autour de quatre versets. Parce que chacun, par contre, chacun a appliqué. Et il y a eu un avant et un après cette réunion. On dit, ah ouais. Tout le monde était impacté, pas par le charisme de Greg, impacté par la parole de Dieu. Parce que pourquoi Dieu nous a donné la parole de Dieu? Il y a toutes sortes de conseils qui vont nous permettre, un, de nous fortifier et deux, de réussir dans tout ce qu'on va entreprendre sur le plan professionnel, sur le plan sentimental, sur le plan relationnel, sur le plan spirituel. Il y a des indications qui vont à l'encontre même de ce que nous, on aurait fait par notre sagesse humaine. Souvent, je prends cet exemple du pardon. Personne se lève le matin en disant « Oh là là, j'ai envie de pardonner aujourd'hui, je sais pas ce que… » C'est « Poum, tiens Christian, parce que juste j'ai envie de pardonner. » Tu vois? Non, personne se lève avec l'envie de pardonner. C'est contre nature. Mais la parole de Dieu nous dit « Hey, pardonne. » Ça va vraiment, vraiment solutionner ta vie. C'est pas un ordre juste pour nous faire du mal. C'est un ordre pour nous faire du bien. Mais c'est contre nature. Et il y a beaucoup de principes de la parole de Dieu qui ne sont pas forcément des choses qu'on ferait spontanément. C'est pour ça qu'on a besoin de la parole de Dieu. On en a besoin, on a besoin de la lire, parce que naturellement, on n'est pas conçu pour, à cause du péché, on n'est vraiment pas conçu pour faire ce qui est juste, ce qui est bon, et ce qui va favoriser le succès de nos vies. On est conçu pour se mettre en colère, pour râler, pour être jaloux, pour faire des tas de pour abandonner, pour se décourager, pour culpabiliser. Ça, ouais, ça marche bien, ça. Et la parole de Dieu est là pour nous rééduquer, pour nous reprogrammer. D'où l'importance de la méditer. Il y a un autre texte, donc au verset 8, je ne l'ai pas là, il dit « Médite-la jour et nuit, la parole. Médite-la. » Il dit pas « Lis-la, médite-la. » Tu réfléchis, mais comment je peux appliquer ce texte-là? Comment je pourrais adorer? Comment je pourrais avoir plus de foi? Comment je pourrais développer un autre rapport avec la parole de Dieu? Le quatrième point qui nous permet de nous fortifier, c'est la prière. Là, on prie. On n'est pas dans l'adoration. À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire. Car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient à toi, Éternel. Le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. C'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toute chose. Waouh! C'est dans ta main que se trouve la force. Là, on prie. Et en quoi la prière est utile? La prière, elle nous aide à ouvrir les yeux sur les réalités spirituelles d'une situation. La prière va nous aider à voir comme Dieu voit, tout simplement. On ferme nos yeux, pour ça qu'on ferme nos yeux. C'est pas écrit dans la Bible forcément de fermer les yeux, mais ça nous aide à dire, tiens, je prie et vous allez voir que vous. Quand en priant, vous allez voir des choses. Dieu va vous donner des images. Le Saint-Esprit vous donne des images. Une autre réalité. Et nous avons un exemple ici où le prophète, tu peux passer à la slide suivante, où le prophète Élisée, il est attaqué par une armée. Il est seul. Hein, il y a une armée de chevaux et de chars qui viennent l'attaquer. Donc c'est 2 rois 6, versets 15 à 17. Et ils viennent là pour le tuer. Et une armée, hein, pas deux, trois personnes, hein, une armée entière. Et là, son serviteur, il fait, ah, on peut le lire, hein, ah, mon Seigneur, mais comment, qu'est-ce qu'on fait? Comment ferons-nous? Et voici la réponse d'un homme de prière, ou d'une femme de prière. Il répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Il avait des yeux, il n'était pas aveugle, mais ses yeux spirituels. Ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Pour ça, il disait quand il voit les gens, ah, là, là, on va te tuer. Puis il vit dans une réalité spirituelle. Ses yeux sont ouverts. Il voit des choses, il voit des chars de feu, il voit les anges avec lui. Donc du coup, il sait qu'ils vont se faire défoncer, quoi. Et nous, voyez, on ne voit que la réalité terrestre. Pourquoi Élisée, il voyait les anges? Pourquoi il avait une autre perspective sur sa vie? Pourquoi? Est-ce que toi, tu pries? Élisée pria. Élisée était un homme de prière. Et c'est pour ça que lorsqu'on prie, lorsqu'on est habitué, chaque sujet, chaque opposition, chaque contradiction, chaque mauvaise nouvelle, on en fait un sujet de prière. On en fait un sujet de prière. Avec ma femme, tous les soirs, on fait ça. Dernière chose avant de se serrer, de se blottir l'un contre l'autre et de partir dans notre sommeil. Des fois, on part dans d'autres trucs, ce n'est pas le sommeil. Mais avant de se blottir, toujours depuis 25 ans de mariage, on fait ça en pratique. Et, c'est de la prière. Parce que Élisée, il avait une conscience, il avait un autre regard sur la situation. Parfois, nous aussi, on est attaqué, on est sous pression. On est vraiment sous pression, on se sent vulnérable. Mais la prière nous permet, comme Élisée, d'avoir une autre perspective de la situation. Le dernier point, personne n'en parle. Et encore une fois, vous voyez, ça c'est le miracle et la puissance de la parole de Dieu. Mais la sanctification, on dit, mais qu'est-ce que ça vient faire? Mais c'est la parole de Dieu. Moi-même, j'étais étonné quand j'ai lu ça. Mais la sanctification, ça veut dire chercher à mener une vie saine, droite, à repousser le péché. Les gens qui font ça, c'est des gens qui sont forts. Lisons ensemble, Job 17, verset 9. « Le juste néanmoins demeure ferme dans sa voie. Celui qui a les mains pures se fortifie de plus en plus. » Qui se fortifie de plus en plus? Celui qui a les mains pures. Les mains, c'est quoi? C'est ce que tu fais, tes actes. Si tes actes sont purs, si tu cherches vraiment à vivre dans la sainteté, eh bien, il y a la force de Dieu qui va venir sur toi. Les personnes qui recherchent et qui vivent dans la sainteté sont des personnes fortes. La force et la puissance de Dieu sont liées à la sainteté. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'immoralité, la critique, la médisance, les querelles, les jugements, c'est un obstacle à la manifestation de la force et de la puissance de Dieu dans ta vie. Par contre, la sanctification de nos paroles, de nos pensées, la sanctification de notre caractère, de notre comportement, ça va permettre à la puissance, à la force de Dieu de se manifester. Psaume 18, verset 33 nous dit « C'est Dieu qui me ceint de force et qui me conduit dans quoi ? La voie droite. » La voie droite, pas des trucs tordus, la voie droite. Donc j'aimerais qu'on prie pour vous maintenant, par rapport à tout ce que j'ai été vite, je sais, mais le but était aussi de vous bousculer et de déraciner une fausse croyance qui a tendance à nous... Tu peux mettre, si c'est possible, de mettre un fond musical. Le but était de que vous soyez bousculés et que vous puissiez télécharger aussi un peu les mises à jour, dire ben oui à l'amour de Dieu, mais oui aussi à sa force. On comprend que Dieu est fort, premièrement. On comprend que nous sommes appelés à être forts et que pour vivre très concrètement cette force et pas juste se bassiner avec des fables, on a la force dépend de certains actes que nous allons maintenant, dès à présent, poser. Dieu nous dit, fortifie-toi. Fortifie-toi au travers de tous les points qu'on vient de voir à l'instant. Et donc, je veux juste prendre un temps de prière. Prenons ensemble un temps de prière. Le dernier point, en fait, c'était le Saint-Esprit. Et c'est lui qu'on va invoquer maintenant. Le Saint-Esprit communique la force, la relation avec le Saint-Esprit. Être habitué à lui parler, à chercher son conseil, ça va vous apporter la force. Pourquoi? Parce que Ésaïe 11, verset 2, et c'est là-dessus qu'on va prier. Ésaïe 11, verset 2 nous dit, « L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. » Une des définition du Saint-Esprit, une des caractéristiques du Saint-Esprit, c'est la force. Plus nous communions avec lui, c'est ce qu'on va faire maintenant dans ces 2-3 minutes, et plus la force de ses conseils, de son influence, de ses dons vont se manifester au travers de vous. Alors, je vous invite tout simplement à fermer vos yeux et à laisser tout simplement le miracle de la parole et de l'esprit s'opérer maintenant dans nos cœurs. Et vous pouvez commencer tout simplement, je ne vais pas le faire, c'est à vous de le faire, puisque la Bible me dit fortifiez-vous. Commencez à remercier Dieu pour sa parole. C'est volontaire, j'ai pris beaucoup de textes bibliques, pas pour vous saouler, mais parce que je savais que j'allais vous demander maintenant, avec le Saint-Esprit, de commencer. C'est vous qui devez vous fortifier. Commencez à lui dire merci pour certains textes. Alors vous n'êtes pas obligé de les répéter à l'identique, mais vous avez été interpellé ce matin par des choses que j'ai pu dire. Eh bien, dites merci à Dieu. Parce que vous êtes en train de... Ah, je change ma considération de toi. Oh, ça, Seigneur, ça me bouscule. Pardon, je ne savais pas que c'était aussi... que la force occupait une telle importance dans ta nature, dans ta personne. Je ne savais pas que tu attendais de moi d'être aussi fort, aussi forte. Je ne savais pas que c'était à ma disposition. Allez-y, parlez à Dieu maintenant. Et remerciez-le pour sa parole. Merci, papa. Et maintenant, avec l'aide du Saint-Esprit, identifiez un domaine où, à vos yeux, vous vous sentez faible. Ça va peut-être être une zone de combat. Alors d'abord, on commence par quelque chose de personnel, d'intérieur. Il y a un domaine dans votre vie, vous luttez et vous vous sentez faible. Ça peut être une addiction, ça peut être un péché, ça peut être un trait de caractère. Ça peut être un sujet de prière qui vous bouleverse, qui peut vous émouvoir aussi parfois, vous tirer les larmes, vous conduire à être désespéré. Alors identifiez maintenant, demandez au Saint-Esprit. Saint-Esprit, pourquoi je dois prier maintenant? Et alors que vous avez identifié ce domaine, maintenant tout simplement par votre louange, votre adoration, votre foi, vos prières, votre repentance s'il s'agit d'un péché et d'une addiction, faites entrer la force. Elle rentre déjà, ça y est. On ne peut pas l'empêcher de rentrer. Faites rentrer la force de Dieu maintenant. Faites rentrer la force de Dieu. Recevez sa force, accueillez sa force par la repentance, en choisissant de mener une vie saine, par la foi, en choisissant de combattre, en adorant, en recevant Dieu tel qu'il est, en le positionnant dans votre vie tel qu'il est, comme on a pu le dire dans ces psaumes que nous avons lus ensemble. Éternel, tu es magnifique, tu es fort, tu es puissant. La force est dans ta main. Je reconnais ce matin que rien ni personne n'est au-dessus de toi. Et comme le peuple d'Israël qui était dans l'hésitation, non, je reconnais que l'Éternel est Dieu. Je me détourne de tout ce qui pourrait être idole, fausse croyance, fausse religion. Et je reçois ta force. J'adore le Dieu saint et fort dans les combats. Laissez tout simplement, Saint-Esprit, je t'invite vraiment à déverser la force maintenant. Esprit de force, je t'invite maintenant à remplir le cœur de mes amis maintenant, au nom de Jésus. Sa force vous qualifie, sa force vous étire, sa force vous donne de l'audace, sa force vous donne le goût d'entreprendre, au nom de Jésus. Il y a de l'enthousiasme et je prie maintenant également que des idées. La force peut vous inspirer aussi. Quand on se sent fort, on veut dire qu'on a les moyens de faire des choses auxquelles on ne pensait pas jusqu'à présent. Mais là, Dieu est en train comme de vous donner des moyens, comme s'il vous donnait de l'argent. Je rappelle ce texte qu'on a lu tout à l'heure, Ésaïe 11 nous dit qu'il est esprit de force et esprit de conseil. Les conseils viennent quand on est fort. Alors laissez-vous remplir, adorez. Merci papa, merci père. Ton amour est fort. Il y a une sécurité en toi. tous les sujets de prière qui sont les miens peuvent être exaucés par toi. Tous les obstacles qui sont intérieurs avec lesquels je lutte peuvent être renversés. Tu es le Dieu, Seigneur, qui a envoyé le feu à la prière d'Élie, qui a consumé même les pierres, un autel. Tu peux consumer le péché, tu peux consumer mes ennemis, mes obstacles, parce que je prie et j'accueille ta force. Et la dernière chose qu'on va faire maintenant, c'est d'exercer cette force sur l'extérieur. Soit vous priez pour un ami incroyant, soit vous priez pour une activité, une action que le Saint-Esprit vous met à cœur de faire. Mais là, on se tourne vers la ville, on se tourne vers les incroyants. Peut-être que vous allez commencer, Dieu vous donne de l'audace pour prier systématiquement quand quelqu'un va vous faire part d'un besoin, un incroyant. Vous dites, c'est dur, mais peut-être que voilà, vous recevez maintenant cette capacité, cette audace, comme les apôtres, de prier pour les gens et la force de Dieu passe au travers de vous au nom de Jésus. Une forte compassion vient sur vous également pour commencer à tout simplement à faire le bien autour de vous, à aimer les gens, à les servir de manière très très simple. Dieu vous met à cœur une catégorie de personnes et des actions très concrètes à faire à Béziers pour aimer. Seigneur, je prie pour que tu nous conduises en tant qu'homme, en tant que femme et en tant qu'Église à porter ta force, à incarner ta force, à poser des actes forts au nom de Jésus, des actes qui sont imbibés par ton amour, mais également par ta force. On veut pouvoir, Seigneur, dans notre vie relationnelle, dans notre vie de famille, dans notre vie professionnelle, dans notre vie d'Église, incarner, Seigneur, ces deux dimensions, à la fois l'amour de Dieu, inconditionnel, et la force illimitée de Dieu pour accomplir des miracles, pour exaucer des prières, pour détruire et briser des liens de péché et de dépendance. Nous te bénissons en tant qu'Église et nous te remercions pour ta force. Et nous nous engageons à partir de maintenant à être une Église, à être des hommes et des femmes qui vont se fortifier, des hommes et des femmes responsables de leur force, qui quotidiennement, par l'adoration, la parole de Dieu, la foi, la sainteté, la prière et la relation avec le Saint-Esprit, vont se fortifier. Amen. Alors je veux vous bénir maintenant dans le nom de Jésus. Je veux bénir les papas qui sont au milieu de nous. Et je veux prier pour que ce soit des papas forts pour à la fois leur épouse, leurs enfants, leurs petits-enfants, forts dans leur destinée, dans leur vocation, dans leur capacité à bénir et à être des représentants, des ambassadeurs de Jésus, là où Dieu vous a placés. Et en tant qu'Église, nous vous bénissons dans votre rôle de père, sur le plan humain, mais sur le plan spirituel également. Soyez bénis, que même des idées vous viennent pour exprimer encore de manière plus forte votre paternité. Rendez-vous donc le 23, le culte ici, le 30 avec Pasteur Denis et Jocelyne. Et approchez-vous de Rebecca, de Déborah. C'est simple, quand je dis Rebecca, je veux en fait parler de Déborah. Et quand je dis Déborah, je veux tout simplement parler de Rebecca. Vous faites les... C'est très simple au final. Et puis Nico aussi, qui peuvent aussi vous donner peut-être, discuter avec vous de certaines idées très simples, pas des choses compliquées à organiser, des choses très simples, spontanées, qui peuvent se faire à la fin du mois pour relationner. Soyez bénis, puis on reste à votre disposition pour discuter encore un petit peu.